بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نكونتيون دان الدروب البهية للإمام الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة، avec l'explication du Cheikh Ali ibn Mukhtar al-Ramli, Hafizahullah Ta'ala, qui est Fadl Rabbi al-Bariya, bi sharhi Duari al-Bahiyya. Nous sommes toujours dans le grand chapitre, qui est le chapitre de la purification. Alors ici, nous sommes précisément dans Babu al-Najasat, le chapitre des impuretés, c'est-à-dire le sous-chapitre qui est dans le grand chapitre de purification. Donc, nous avons vu différents types de Najasa et nous sommes arrivés sur l'Oabu Kelbin, la salive du chien. Alors ici, le Cheikh Ali Ramli dit le Qawli Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit Tuhur ina'i ahadikum iza walagha fihi al-kalb an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Il dit la purification. Toho, c'est la purification. Ina i ahadikum, du récipient de l'un d'entre vous. Iza walara fi. Walara, c'est-à-dire mettre la bouche. Mais dans une autre riwaya, il a dit Iza shariba, s'il a bu, c'est-à-dire sur le chien. Walara fi il kelbu, sur le chien, alors pénètre sa bouche. Il doit le laver 7 fois. Oulahunna, le premier lavage, biturab, il le fait avec du sable. Dans une autre riwaya, il dit ukhrahunna ou akhiruhunna, le dernier, biturab, avec le sable. Donc ici, l'imam Shawkani, il s'est basé sur ce hadith pour mettre la salive du chien parmi les impuretés. Le Cheikh Ali Ramli dit ici, « وَالصَّحِيحُ » ce qui est authentique, « أَنَّ لُعَابَ الْكَلْبِ » la salive du chien, « لَيْسَ نَجِسًا » ce n'est pas impur. Voilà qu'ici, nous allons citer ce que le Cheikh Ali Ramli a dit, et nous allons dire ce que Jumhur a dessus. Mais ce que nous, c'est-à-dire moi personnellement, dans les différents avis, ce que je trouve aussi comme le plus solide. Non, je vous dirai aussi, mais vous n'êtes pas obligé de prendre ce que je dis, parce que c'est une masala al-fiqhiyya. Et dans cette masala, comme a dit l'imam Nawawi rahimahullah, il dit surtout au sujet de l'Oab al-Qalb, l'imam Hafiz ibn Hajar aussi l'a dit cela, il dit yasiru fihi al-ikhtilaf. Il dit wa kullu wahidin min al-mukhtalifayn innahu adil. Chaque groupe a des preuves. Et on va vous étaler les preuves de chaque groupe. Le Cheikh Ali Ramli, il est parmi ceux qui disent que la salive du chien n'est pas impure. Ça va? Il dit, wa taharatul ma'muru biha huna. Il dit, la purification qui est demandée ici au sujet de la salive du chien, l'izalatil jarasim, c'est c'est afin d'enlever les microbes. Allati takunu fi lwab al-kalb, qui sont les microbes qui sont dans la salive du chien. Wa takhtalitu bil ina, et ces microbes se mélangent avec le récipient pour ma fille et ce qui est dans le récipient. Donc, wa qala Malik, l'imam Malik, rahimahullah, lui dit al-amru ta'budi, l'ordre qui est donné ici afin de laver la salive du chien est ta'budi, c'est une adoration. C'est-à-dire, on demande seulement de laver parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a demandé de laver, c'est ta'budi. C'est une adoration. Mais cela ne montre pas que la salive du chien est sainte. والدليل et sa preuve de l'imam Malik à la taharati lu'ab al-kalb, la preuve de l'imam Malik sur la, le caractère pur de la salive du chien, an Allah subhanahu wa ta'ala azina, Allah a autorisé. Écoutez bien cela, ne suivez pas celui qui est en train de faire le micro. An Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Très-Haut, azina fil akli, a autorisé de manger bima mimma amsaka alayha, ce que le chien attrape lorsqu'il chasse un gibier. Fasoïduhu halal. Le soïd du chien, quand le chien il chasse un animal, un gibier, et le chien il attrape le gibier, alors ce gibier est halal. Mais ce n'est pas pour les chiens. Allah dit wal mukallibina tu'allimunahum. Les chiens que vous enseignez, les chiens qui ont la science. Et vous nous dites, c'est ce qui montre la valeur de la science. Car le chien qui n'a pas la science de la chasse, s'il attrape le gibier, on ne mange pas. Si le gibier il est mort, on ne mange pas. Mais le chien qui chasse un gibier, et le chien il a appris, on l'a enseigné, et vous avez enseigné, et il attrape le gibier, même si le gibier est mort, alors c'est permis. Est-ce que vous avez compris? Donc ici, Toye. Alors il dit, Fasoïdou halal. Imam Malik dit, le soïd, le gibier que le chien attrape à la chasse, c'est halal. Falaou kana al-kelb, si le chien était najisan, était impur, la najasa soïd, alors c'est qu'il a le gibier qu'il a attrapé, allah être sale. Par le simple fait que le chien ait touché le gibier. Voilà le dalil de l'imam Malik. Il dit encore, rahimahullah, yukalu soïdu. On mange le gibier que le chien a attrapé. Fakaifa, comment yukrahu lu'abu? Comment on peut détester sa salive? Comme on peut interdire sa salive. Toyez. Wallabzu tahara. Le chef Ali Ramli dit maintenant ici, le mot purification, la tadullu ala najashati shaydaim. Ça ne montre pas qu'une chose elle-même est impure. Est-ce que vous comprenez? La chose qui est pure, mais quand une impureté se met dessus, la chose, on enlève l'impureté, mais la chose, elle-même en entité reste toujours pure. N'est-ce pas? Favorité a dit, car le fait de dire purifier une chose peut venir de rendre une najasa, afin d'élever l'impurité. Favorité a dit, déjà, il est allé. Et ça peut venir pour autre que cela. Comme Allah dit, قال الله تبارك وتعالى, Allah dit, وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَطَهَرُوا. Si vous êtes en état d'impurité majeure, alors purifiez-vous. Wahuna amru bitatahur. Il y a l'ordre ici de se purifier. Alors que wal mu'min la yajus, le croyant n'est pas impur. Est-ce que le croyant est impur? Le croyant n'est pas impur. Comme a qala alayhi salatu wa salam. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. طيب فالطهارة هنا la purification ici les رفع الجنابة فقط c'est pour lever l'impureté majeure seulement وليست لإزالة النجاسة ce n'est pas pour lever l'impureté elle-même c'est pour lever la janab c'est-à-dire celui qui est sale et qui fait la janab même si c'est pas lavé avec du savon la janab est correcte c'est pour lever l'impureté mais c'est pas pour enlever la saleté complètement voilà pourquoi les ulama disent celui qui rentre dans la mer avec une intention il ressort et on va voir dans la janab est-ce que c'est un shart qu'on se frotte dans la janab ou il suffit seulement que l'eau touche sans même se frotter. Alors ici, ce qui est sorti, c'est que l'eau touche la personne sans même se frotter, sa janab est correcte. C'est ce qui est obligatoire. Mourou l'ulma, le fait que l'eau passe sur son corps. Ça va? Donc c'est très important. Donc ici, il dit, فَالطَّهَارَ تُعِذَنَ Le mot tahara, la purification, tusta'malu, on utilise l'izalati najas pour lever l'impureté, wa tusta'mal, et on utilise l'ighayri dhalik, ou autre que cela. Wa qala alayhi salatu wa salam fil hirra. Voici l'une des preuves encore de ceux qui disent que la salive du chien n'est pas impure. Ils disent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet du hirra, du chat. Innaha, le chat, pourquoi le chat il n'est pas impur? Minat tawafina alaykum wa tawafat. Le chat tourne toujours autour de vous, le domestique. Il est toujours là. Donc, si on dit que sourou al-hir, c'est-à-dire sourou c'est quoi? C'est lorsque l'animal plonge sa bouche dans l'eau et il l'enlève. Est-ce que cette eau-là, on peut prendre les ablutions avec sourou al-hir? Donc, si c'est le chat, c'est pur. Il n'y a même pas de divergence à ce sujet. Mais le chien, certains disent que c'est pur, certains disent que c'est impur. Bon, l'imam Malik ici, avec le cheikh Ali Ramli, ils sont allés à dire que c'est pur. Ça va? La salive du chien est pure. Et ils ont utilisé cette preuve-là. Car le cheikh Ali Ramli dit ici, Wal kilab kadalik. Les chiens sont minat tawafina wa tawafat. Les chiens sont aussi domestiques. Ils tournent aussi parmi vous. Ça va? Et cette parole-là, c'est la parole de l'imam Zuhri, de l'imam Malik, de l'imam Awza'i, de l'imam Ibn Mundir, wa kathirun min al-Malikin, et beaucoup parmi les Malikites. Mais Jumhur, la majorité, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, l'imam Abu Hanifa, ils sont sur le contraire de ce qu'on vient de dire. Voilà, Yohan, Jumhur. Hafiz Mahajar, Imam Nawawi, et tous ces imams, ils ont sur le contraire de ce qu'on vient de dire. Et ils disent que la salive du chien est impure. Pourquoi? Car le hadith est clair. Si vous dites que c'est pour juste enlever les microbes, ça veut dire que s'il y a les microbes, c'est que c'est impur. N'est-ce pas? Hein? Donc, il y a une divergence autour de ce sujet-là. Et la divergence, elle est grande. Ça va? Elle est grande. Donc, Jumhur dit c'est impur. Il se base sur quel hadith? Le hadith qu'on vient de voir tout à l'heure. Tuhuru ina'i ahadikum. Iza walaga fihi al-kalb, an yaghsilahu sab'a marrat. Si le chien pénètre à l'oulou, c'est le fait de mettre la bouche. Le chien, généralement, quand il met sa bouche pour boire de l'eau, c'est sa langue. C'est sa langue qui prend pour prendre de l'eau. C'est ce qu'on appelle un moulot. Ça va? Donc, si on doit nettoyer 7 fois et le dernier ou le premier avec du sable, alors, il ne peut pas comprendre qu'on dise que ce n'est pas impur. Mais en même temps, il y a la preuve que les autres aussi envoient en disant que la chasse du chien, on peut manger. Ça va? Si la salive du chien était impure, alors la charia n'allait pas autoriser cela aussi. Parce que quand le chien va, il attrape pendant longtemps et sa salive même reste sur le gibier. N'est-ce pas? Non. Donc, dans cette masala, il y a un grand khilaf. Lakin as-sahih indi, as-sahih indi. Ce que moi je vois qui est prépondérant, c'est le fait que la salive du chien n'est pas impure. La salive du chien n'est pas impure. Ça va? Voilà qui. Vous, à vous de voir les dalil, les preuves, et puis ce que vous voyez comme correct. La mouchahata fi masail al-khilaf. Il y a pas de mouchahata dans cela. Comme on voit certains étudiants en sciences, ils ont ce problème, ils ont cette maladie. Quand ils vont sur une masala de fiqhiyya, même les savants, ils manquent respect aux savants. Et ils disent, même si Jumhur est dessus, c'est pas parce que Jumhur est dessus que c'est la vérité. Là. Toi, l'étudiant en science, la Bouddha en Yahouna, indahu, rahabat al-sodri, indamasa il-khila. Il doit avoir un cœur large, ouvert, en ce qui concerne les masaïs, les sujets de divergence. Est-ce que vous comprenez? Il ne prend que ce qui le rassure plus en termes de preuves. Mais il ne dénigre pas ceux qui sont sur l'autre preuve. Est-ce que vous comprenez? C'est le comportement que chacun d'entre vous doit avoir ici. Parce qu'on voit certains, quand une masala dit comme ça, et dit non, que telle personne a dit, et il dit que c'est ce qui est la vérité. Tout ce que les autres ont dit, c'est faux. Alors sachez que les masala, ils sont de deux sortes. Hein? Où il y a les ikhtilaf, sont de deux sortes. Ikhtilaf, tanawur. Ikhtilaf, tanawur, c'est la divergence où chaque groupe a un dalil, a une preuve. Il y a ce qu'on appelle Ikhtilaf Tadar. Ou Al-Musibu Wahid. Celui qui est sur la vérité est sûr. Ça va? Donc, dans ce genre d'Ikhtilaf, par exemple, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, chaque groupe a une preuve ou pas? Hein? Mais ce qui te rassure plus, c'est ce que tu prends. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est le contraire de certaines personnes aujourd'hui. C'est que lui, le dessus, il frappe tous les autres. En disant que ils sont dans le bâtiment. Hatta, il manque de respect même à certains ulama à ce sujet-là. Les deux zohar, abadem. C'est pas permis. Tu peux ne pas être d'accord avec ce que tel cheikh a dit, l'alkin. Tu le respectes. Tu le respectes. Voilà pourquoi les savants, quand ils donnent une position, ils disent Arrajih indi. Ils disent chez moi, ce qui est prépondérant. Et il ajoute dessus, Wallahu a'lam. Allez, le plus savant. Pourquoi? Parce qu'il fait sur le rêve. Hein? L'imam Ahmad bin Hanbal, au sujet d'une seule masala, il peut avoir 10 paroles. Je dis bien 10 paroles. On te dit, Hadi riwaya min Imam Ahmad. Wadi riwaya, wadi riwaya. Je te dis, mais comment ça peut arriver? Parce qu'en réalité, lorsqu'il il attrape une preuve, il voit que c'est cette preuve qui est la vérité. Yahoo, lui, il dit. Et cette parole reste. Quand il voit une autre preuve, il dit le contraire. Al-Muslim, la Bouddha, en Yadouma, Dani, Laïsou, Dan, le croyant, il tourne avec la preuve partout où la preuve est. Donc voilà pourquoi quand il voit quelque chose, Est-ce que c'est un mal que je sois sur une position aujourd'hui et que demain je délaisse cette position à cause d'une preuve que j'ai vue? Hein? Ce n'est pas un mal, c'est lui pas. Et c'est ce que beaucoup de personnes doivent comprendre. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte la compréhension. ثم قال رحمه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وراوس وانا فيني avec لعاب الكلب il dit وراوس الراوس c'est ce qu'on appelle le croutin هو الرجيع c'est le croutin زوات الحوافر des animaux qui ont les sabots زوات الحوافر des animaux qui ont des sabots. Amma Rausu, quant au croutin, wa baoulu, et l'urine, ma yukkalu lahmu, de ce qu'on mange, fa wa tahirun bil khilaf. L'urine, de l'animal qu'on mange. Le déchet qui sort par derrière de l'animal qu'on mange, alors, l'urine et les déchets sont purs. Yadul ala dalika hadith d'Anas. Ce qui montre cela, c'est le hadith d'Anas bin Malik. Qala, qadima unasun. Il y a certaines personnes qui sont arrivées. Min uqlin au ureina. Ils viennent de Iql ou ureina. C'est deux contrées. فاشتاو المدينة فاشتاو الجوى مرضون ils sont tombés malades فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باللقاء et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم leur a ordonné de chercher à atteindre le berger qui est devant eux et s'ils vont maintenant وأن يشربوا qu'ils boivent من أبوالها les urines de ces animaux wa albania et leur lait muttafaqun alayh c'est-à-dire c'est un animal reconnu authentique oui à shahid le témoin du mandat de visite de roi an an nabi sallam adil il a autorisé laum bishurbi il a autorisé leur autorisé de boire min abwali ibn les urines ou les urines du chameau والنجس اتكي ان بي يحرم الشرب c'est interdit de boire ce qui est impur ici on parle de l'urine il a autorisé de boire l'urine du chameau طيب وكذلك c'est de même لم يأمرهم il leur a pas ordonné de غسل ما يصيبهم من de laver ce qui les atteint de l'urine. Parce que s'il va, le chameau il pisse, il met sa main en bas et il boit. Mais quand il pisse, souvent l'urine peut sauter ou tomber sur son vêtement. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné à ses compagnons de laver cette partie. Par aucun analysant, si c'était impur, la amara ou biros lege. Il allait les ordonner de laver cela. À la awalem. Donc, ce hadith nous montre que l'urine des animaux qu'on mange la chair. Pourquoi les animaux qu'on mange la chair? Parce que al-qiyas ou al-ahad. Le chameau, on mange, n'est-ce pas? Donc, si on rentre dans le même bar, tous les animaux qu'on mange rentrent dans le même jugement. Et on va voir le deuxième hadith qui nous montre cela. وَصَحَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Le hadith a été authentifié du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ رَخَّصَ qu'il a autorisé les salats de prier في مَرَابِدِ الْغَنَمْ dans le parc ou dans la bergerie des غَنَمْ le غَنَمْ c'est la vache, le mouton, ainsi de suite. Et ainsi que la chèvre. Tout cela rentre dans Al-Ghanam. Il a autorisé de prier في مرابد الغنم. طيب وهي لا تخلو alors que مرابد الغنم n'est pas vide من غوثها de leur excrément وبولها c'est-à-dire de leur protein et de leur urine. Hein? وغير الإبل والغنم et autre que le chameau ainsi que le ghanam, ma yukalu lahmu, c'est qu'on mange leur chair, yukasu alayha. On fait le qiyas, c'est tout cela. Ça va? Tout ce qu'on mange, son urine et son déchet est pur. Voyez? Qala ibn Taymiyyah rahimahullah. Ibn Taymiyyah dit, وبول لرين ما أكل لحمه لسكون مانجي لشير وروفو اي سكرتين طاهر اي بير فسي لابارول ابن تيمية لم يذهب نبا علي أحد من الصحابة ان سول كومبانيون نبا علي أدي il a atteint Jusihi, n'est pas allé à dire que c'est impur. Donc c'est quoi, on appelle cela comment? Hein? Ijma. Ijma, c'est un consensus. Ça va? Balil Qawl, au contraire, la parole qui dit, Moutemia, il continue, il dit la parole qui dit, binadiasatihi, que cela est impur, Qawlul Muhdath. C'est une parole innovée, la salaf alaou mina sahaba. Il n'y a pas de salaf à cette parole-là, parmi les compagnons. Aucun compagnon n'a dit cela. Voyez, Ibn Taymiyyah, elle a dit cela dans Al-Fatawa al-Kubra. Voyez, wa amma rawsu, quant à al-rawsu, c'est-à-dire le croutin, ما لا يؤكل لحمه بسكون المشفر الشير كالبغال قوم الملي والحمير لان فنجس alors cela impure عند جمهور العلماء chez la majorité des savants وهو الصحيح et c'est ce qui est correct ودليل صبر حديث بن مسعود c'est le hadith d'Ibn Mas'ud رضي الله عنه qui dit قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائب لمساجد الله صلى الله عليه وسلم عليه الغائب وليس تبزون فأمرني إدي بما أردني أن آتيه دفنير بثلاثة أحجار أغطرة فيه فوجدت حجرين جربت بثير وروسة إن كنت فأخذ الحجرين إلى بلا بيتير وألقى الروف إلى جدي الكروتين وقال إلى لي هذا رجس أو ركس نزيد الرواية سيريد حمير إذي سيمبول أو ركس زي لا ميم شوز أخرجه البخاري دونك إيسي le croutin et l'urine de l'aliment qu'on ne mange pas la chair est impur. Quant à l'animal qu'on mange la chair, c'est pur. C'est-à-dire que si vous égorgez un mouton, par exemple, et puis vous êtes atteint par son urine, ou bien vous avez certainement été touché par ses déchets, est-ce que cela est une impureté? Vous pouvez prier avec cela. Ce n'est pas une impureté. Ça va? Non? Taïr. Summa qala rahimahullah. Ensuite, l'auteur du livre dit, l'imam Shawqani, il dit, wadamu haïdé. Et le sang du menstrué. Donc, l'imam Shawqani dit, le sang du menstrué fait partie des impuretés. Taïr. لحديث أسماء بنت أبي بكر أقول لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أدي جاءت imratun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, une femme est arrivée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqalat, elle a dit, ihdana linnatunu yusibu sawbah, son vêtement est atteint min dami hay, du sang du menstrué. Faqayfa tasna, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qala tahuttuhu. Elle dit, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tahuttuhu. ثم تقرصه بالماء. Ça va? ثم تنضعه. تحطه يعني tu grattes. Ça va? Tu grattes la partie. ثم تقرصه. Ensuite tu le frottes بالماء avec de l'eau. Tu mets l'eau sur la partie et tu frottes la partie. Ça fait deuxième. ثم تنضعه. Ensuite tu asperges l'eau sur la partie. Summa tu soli fi. Et ensuite tu pries avec ce vêtement. Donc le hadith est clair ici que le sang du menstrué est impur. Fa amara bi ghusli dam al hayy. Il a ordonné de laver le sang du menstrué wa tashdid fi. Et il a insisté sur cela. Comme la salat, avant de prier, c'est ça, c'est-à-dire la vie, dans la vie, comme la salat, avant de prier dans la vie. Yufidu soumout najasatihi, donc on bénéficie ici que elle est impure, c'est-à-dire le sang, il est impur, n'est-ce pas? Wa qad ittafaqa al-ulama, et les savants sont unanimes à la najasatihi, que cela, que le sang du menstrué est impur. فالامر بغسل دم الحيض l'ordre ici de laver le sang du menstrué والتشديد فيه et d'insister et d'être dur comme la salat du sang, cela montre que c'est impur, n'est-ce pas? ثم قال رحمه الله. Ensuite le tel il dit, on a vu maintenant que le dam al-hayd est impur. طيب. Le gars du livre dit walahmu khindi, la chair du porc. Ah non, du porc. Ça fait un chien à la fin. On dit porc. Si on est seul ainsi, on ne détaille pas. C'est tellement pensé que c'est le porc qui est de l'autre côté là. Wa jalilu ala najasati, la preuve qui montre que la viande du porc est impure, qawluhu ta'ala. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul la ajidu. Il dit, Mohammed, dit, je ne trouve pas. Fima uhiya ilayya. De ce qui m'a été révélé, muharraman. Ce qui est interdit. Ala ta'imin. C'est celui qui mange. Yata'amuhu. Donc il doit manger. Sauf illa an yakuna maita. Si c'est la chair morte, alors c'est interdit. Aw daman. Masfouha, le sang qui verse, ça va? Aulah mahindir, ou la chair du porc, fa inna ouris, car la chair du porc est impure. Aïe, najis, est impure. Ici, meïta, il n'y a aucune divergence, que meïta est impure. La bête morte. Ça va? Ensuite, daman masfouha. Daman, ici je vais donner un détail. Que le dam masfouha, le sang qui verse lorsqu'on immole la bête. Ce sang-là, c'est le sang qui est interdit. Mais le sang qui reste dans la bête qui n'est pas versé. Même si ce sang l'est beaucoup, ce n'est pas interdit. Qui reste dans la bête. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire la différence. Dam masfouha, le sang qui verse lorsqu'on immole la bête, ça jaillit, et puis ça verse au sol, c'est ce sang-là qu'on ne recueille plus, c'est haram. Mais le sang qui reste dans la bête est halal. قال به ابن باز رحمه الله وشيخ سيمين رحمه الله يقول هذا الإسلام يسون بالشير سفسلا أو دما مسفوحا donc ici خاصة بالدم مسفوح c'est spécifique au sang qui est versé ça va donc ici نقل بعض أهل العلم الاتفاق certains savants ont rapporté le consensus à la najasati lahmihi que sa chair est impure c'est-à-dire la chair de quoi du porc wa kadhalika lahmul mayta ici la chair de la bête morte summa qala rahimahullah ensuite l'auteur du livre dit qu'Allah de fasse miséricorde وَفِيمَا عَدَى ذَلِكَ خِلَافٍ Il dit maintenant, après tout ce qu'on a cité, tout ce qui est en dehors de ce que j'ai cité, il y a une divergence sur la purité. Non. Alors qu'il a dit louable lequel, pourtant il y a une divergence. Mais il a dit louable lequel. Parce que chez lui, là-là, il n'a pas vu la divergence. Ou là-là aussi, il trouve que ceux qui ont dit que c'est pur, leur parole est très douée. Voyez là, il y a une divergence dans l'Ouab, lequel? Toyeb. Il dit, Iqtalafa ahlul ilm fi ashiya. Les savants sont divergés au sujet de certaines choses. Hayhi najisun amla. Est-ce que ces choses-là sont najisatun amla? Sont impures ou non? Mizalika al-mazdiou. De cela, il y a ce qu'on appelle al-mazdiou. Wahua ma'un abiyat, c'est un liquide blanc, rakik, qui est fin, lazij, mélangé un peu. Yakhruju inda shahwa, ça sort lorsque l'homme a la shahwa. La bi shahwatin, ce n'est pas une shahwa, un désir. Wala yakhubuhu futur. Et aussi, après quand ce sang-là, quand ce liquide-là coule, la personne, il n'est pas fatigué. Ça va? Contrairement au sperme, quand cela sort, la personne ressent une fatigue. Ça va? Mais ce liquide blanc, là, qui sort après que la personne ait pensé à des choses, ou bien soit, il ait vu des choses, et il commence à penser, et ce liquide blanc là sort, alors c'est ce qu'on appelle al-mazi. Je pense que les célibataires connaissent ça bien. ويقول ذلك للرجل والمرأة. Et cela arrive à un homme et une femme. Vous riez quoi? C'est la vérité. Non. Donc, كذلك قال النووي. C'est le même que l'imam Nawawi a dit في شرح مسلم. Dans le شرح مسلم. Donc, ici l'imam Nawawi dit وهو نجس على الصحيح. Il dit, c'est impur, de façon authentique. Les amri nabi sallam bi ghusli zakar, parce que le messager d'Allah sallam a ordonné de laver le sexe, même, comme a dit hadith, Ali fi sahihayn, comme cela dit dans le hadith de Ali, Ali radiallahu anhu dit, kuntu rajulan majza'a. Il dit, j'avais le majdi. Hein? Wa kuntu astahi, et j'avais honte. Al Asala Nabi sallallahu alayhi wa sallam de poser la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de Makan ibn Nabi à cause de sa fille. Fa amartu al Miqdad ibn al Aswad. J'ai ordonné un compagnon qui est al Miqdad ibn Aswad. Fa sa'alahu. Fa qal, il a posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a refusé le zakarah. Il lave son sexe. Wa yatawadda. Il prend les habits. Il a ordonné ici de faire quoi? De laver le sexe. Donc, ce qui montre que c'est impur. Ça va? Oui. Wa amma al-mani. Quant au mani, qui est le sperme, allez-y à vous, nous malade. Ce qui est la cause de l'enfant. Wa huwa sa'ilun abiyun saqim. C'est un liquide qui est blanc et épais. C'est-à-dire un peu lourd. ينزل عند اكتمال الشهوة وشدتها et cela descend lorsque la shahwa, le désir est complet. Hein? En ce moment, il sort maintenant du dafka. Hein? On appelle ça dafka. Il sort une fois, deux fois. Hein? Avec force. C'est ce qu'on appelle almani. Et après que le mani sort, la personne est fatiguée. C'est la même chose. Ce liquide-là, tahirun al-sahi. Ce liquide est pur. Hein? De façon authentique. Et ce n'est pas impur. Bina'an al-al-afu. Quand on se base sur la base, fil ashia. La base, fil ashia, c'est quoi? Tahar. C'est la purification. Tout est pur, sauf ce que le dalil vient montrer que c'est impur. Ça va? Voilà, il y a un dalil, et aucune preuve n'a été authentifiée. Il y a deux mots qui indiquent à la najas et le mani, l'impureté du sperme. Wakazalika al-khamr, c'est le même, le vin. Hein? Mais ça veut dire, le vin n'est pas impur à la soirée. Walaysa kullu muharramin najis. Ce n'est pas tout ce qui est interdit qui est impur. Ça va? Bainama kullu najis muharram. Alors que tout ce qui est impur est interdit. Mais ce n'est pas tout ce qui est interdit qui est impur. Mais tout ce qui est impur est interdit. Ça va? Tayyib. Qala rahimahullah. Le dernier me dit wal asdu. La base de la chose, c'est la purification. Ça va? Aïe al-afdu fil ashiya taharatuha. La base de la chose, c'est la purification. Quand il dit, fala yankul anha, rien ne l'enlève dans son caractère pur. Il en a fait le sourire. Sauf quelque chose qui vient de façon authentique. L'âme yu'aridu, dont rien ne s'est opposé. Ma yusawi, ce qui est égal à elle, au yukot de moalehi, ce qu'on peut dévancer à elle. C'est-à-dire, sur le nafil, ce qui vient d'enlever de sa pureté est authentique. Il faudrait que une autre preuve qui est égale à cette preuve-là vienne peut-être l'enlever de son caractère pur. Ou bien une preuve qu'on dévance sur cette preuve-là. Ça va? Le nakil authentique qui peut l'enlever de son caractère pur parce que la base est la pureté. Alors, c'est dalil, une preuve, min al-kitab wa sunnah, du Coran et de la sunnah, ou ijma, ou bien le consensus, ou qiyas ou sahi, ou bien une analogie correcte. Ala man yaqulu bihi fi hadha al-mawtin, c'est celui qui le dit dans ce point. L'âme yu'aridu et qui n'est pas d'opposition, ma'yusawi, ce qui est égal à elle, comme preuve, au mode d'amalé sur quoi. Ou bien, on les dévance parce que cette preuve-là a plus de force que ce qui est là. Ça va? Qala l'imam Shawkani, rahimahullah. Shawkani dit, li anna al-asla al-tahar. Car la base, c'est la purification. Wa hada ma'loumun, et cela est connu, min kulliyat al-sharia, de l'ensemble de la charia wa juz'iyatiha, hein, et aussi du caractère partiel de la charia. Wa la raiba, il n'y a pas de doute an al-hukm bi najasati shay, que juger une chose impure yastalzimu, elle exige ici taklifu al-ibad, le fait de charger les serviteurs bi hukm min ahkam al-sharia, d'un jugement parmi les jugements de la charia. Alors, si on juge quelque chose d'impur, alors, il y a quelque chose qui est exigé au serviteur concernant cette chose. C'est-à-dire que si cette chose les touche, il doit se purifier. Ça va? Wal-aslu, alors que la base c'est al-bara'atu min dhalik. Yani, le fait que l'impurité soit loin de la base. C'est ce qui est la base. La base, al-bara'atu, c'est le fait que cette chose soit loin de l'impurité. ولا سيما سيتو من الامور التي تعم بها البلوى سيتو لي شوز كي انغلور سوا المصيبه كاتاستروف صافا باسكو سي اون دي كي تيل شوز انبي Après, ça devient compliqué pour les gens à l'espérance de prendre des précautions, de s'en méfier. Ça devient compliqué. Ça va? Par exemple, si la charia disait que le chat est impur et que le chat tourne autour de nous, à l'espérance, il y a pour nous ça. Le fait de prendre des précautions pour ne pas que. Parce que tu ne peux même pas savoir souvent même qu'il a touché l'eau. Ça va? Parce qu'il est là, il tourne autour de vous. Mais bon? Non. Ensuite, le cheikh dit, Faslun, un sous-chapitre. Je crois qu'on va s'arrêter ici. Bismillah, tabaraka wa ta'ala. Car ce chapitre-là est un peu long. Et nous sommes déjà à 50. Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte la compréhension. Et nous fassions la mise en pratique. Donc ici, je reviens sur la matara de loi pour lequel la saline du chien. Le chien ici, il a suivi les malikiyas dans le fait de dire que la saline du chien est pure. Et l'ordre qui est le fait de laver cela 7 fois ne montre pas la pureté de la saline. Parce qu'en réalité, l'or qui vient du fait de laver, le récipient 7 fois sur le chien, il met sa bouche, c'est pour enlever les microbes. Ce n'est pas de la salive dont il s'agit. Ça va? Et il argumente cela par quoi? Par le fait que Allah a autorisé de manger la bête attrapée à la chasse par péché. Et on sait très bien que lorsqu'il attrape la bête, sa salive est à l'intérieur. Donc si le chien il était impur, alors directement lorsqu'il touchait la bête allait être impure. Par le simple fait qu'il ait touché la bête. Voici les preuves. Et l'imam Malik l'a précisé. Il dit on mange sa bête qu'il a chassée, comment on peut interdire sa salive? Ça va? Mais j'ai très bien dit que, Jumhur, la majorité des savants, à savoir les Shafi'iyyah, Hanabila, les Hanafiyyah, sont sur le contraire. Eux, ils disent que la salive du chien est impure. En se basant aussi sur le hadith. Qu'on vient de voir, lave 7 fois. Et le premier avec du sable, moi le dernier avec du sable. Donc, ils disent que la salive du chien est impure. Car, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a ordonné et a même insisté la manière dont on doit laver. Même si on dit qu'il y a des microbes, mais c'est dans la salive qu'il y a des microbes. Donc, si on doit laver, c'est que c'est impure. Et aussi, sans prendre en compte le verset qui vient aussi. Car il ne trouve pas que le verset rentre dans le jugement ici. Il trouve que c'est spécifique à la chasse. Ça va? Il trouve que c'est spécifique à la chasse. Qu'Allah nous préserve. Et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Al-Masalatu Masalatu Khilafi. Moi, je suis d'accord avec. C'est que le chef il a dit. Je vous ai bien, je ne vous oblige pas. Qu'Allah fasse vite. Parce que c'est le masala de khilaf. Il y a comme dit Hafiz ibn Hajar, il y a soufi khilaf. Selon ça, les savants, ils sont. Et j'ai donné l'exemple, il y a un masque, il y a certains toulabs. Ils ne disent pas ça. Et quand c'est une position, ils prennent tous les autres, là, ils les dénigrent. Allah, les amis, allez, toi. C'est très important de comprendre cela. الدليل قد يصح عند قوم قد لا يصح عند قوم le dalil le hadith peut être authentique chez certaines personnes et ne pas être authentique chez certaines personnes masala tout tahrik ul yad, le fait de régner l'index dans les tachamons. Masala tout khilafiya. Ils sont tous d'accord qu'on doit lever l'index. N'est-ce pas? Elle a dit de Ibn Omar et autres. Mais ils se divertissent comment est-ce qu'on doit renier. Ceux qui disent qu'on ne doit pas renier, ils ont Wayuharrikuha, la partie où il a dit Wayuharrikuha, ils remuaient sa main, ils disent que le hadith est taïf. Cette partie-là est taïf. Hein? Parmi eux, il y en a un chef Mouhadif, Al-Bani. Hein? Mais, Cheikh Mohamed Moussoual al-Husseymin, lui-même il allait même loin. Lui-même il a dit, Baina Sajidatay. En les deux Sajida. On lève la main aussi parce que c'est la base, et puis on remue la main aussi. Ou bien? C'est ma soeur à tout qui l'a fait. Est-ce que, il y a un problème à ce sujet? Mais lorsqu'il y a Ta'assoub qui rentre après, c'est comme Cheikh Al-Bani ici, c'est Ta'assoub là au début de son Sifa Salat à la Nabi. Il a fait une introduction qui est vraiment immense. Il parle de Ta'assoub et tout ça. Il a même montré que, il y a des massages où vraiment, quand il parlait prier dans certaines mosquées, et il soulevait sa main comme ça, quelqu'un venait, il s'est cassé son doigt. Comme il n'était pas d'accord avec ce que tu fais. Hein? Ça arrivait un certain moment, les Malikiens ne donnaient pas leurs enfants aux Shafi'iyah, les Shafi'iyah, les Hanabila, ainsi de suite. Parce qu'il y avait des Ta'assoub en ce moment-là. Un musulman, je vais terminer avec ça. Ce n'est pas interdit de s'affilier un mazhab. Allez, ça veut dire. Tu peux dire, Anna Hanbali. Allez, tu comprends. Mais là, il y a un mot à dire que cela ne soit pas une règle. C'est-à-dire, si la preuve est correcte, il suit la preuve. Même si ce n'est pas chez les Hanabila. Cheikh Husseymin, il était. Il était Hanbali. Cheikh Husseymin, Rahimahullah. Et Cheikh Al-Bani. Il n'est pas le mazhab. La liste, il est le dalil. Hein? Il y a beaucoup de savants. Comme par exemple, tu regardes aujourd'hui en Arabie, Mamlaka, ils sont sur le mazhab de l'imam Ahmed. Par contre, tu verras, il y a d'autres au nord de l'Afrique, ailleurs, ils sont sur le mazhab de l'imam Malik. Mais vers l'Asie, d'autres sont sur le mazhab de l'imam Shafi'i. Mais Ad-Dabit, c'est que quand ton mazhab délaisse la preuve, tu prends la preuve, même si ton mazhab n'est pas dessus. Sinon, ce n'est pas interdit de s'affilier à un mazhab. Ça va? Mais ne dis pas, je ne suis pas salafi, je suis maliki. Hein? C'est salafi. Le salafi, c'est l'aqida. Maintenant, maliki, shafi'i, hanbali, ça c'est quoi? Le fiqh. Hein? Et on va dire, non, lui n'est pas salafi, lui il est maliki. Voilà. Quand on préserve, on va s'arrêter ici. Subhanaka Allah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illallah. Question. Restez tranquille, on fait à Zanou.